الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Après avoir vu la définition du kufr et du shirk, après avoir vu la définition de l'islam, de la foi, du shirk et du kufr, nous allons voir un point important, c'est la définition des fondements de l'islam. Usul al-islam ou asl al-din, le fondement de la religion, ou encore asl al-tawhid, le fondement du tawhid, tout ceci sont des expressions désignant la même chose. D'accord, c'est ça que nous, parce que un des gros sujets causant l'erreur dans le takfir, c'est de ne pas savoir faire la différence entre les fondements du tawhid et les branches du tawhid. C'est pour ça que nous allons maintenant, inchallah, voir la définition du fondement de l'islam, de aslul islam. Le fondement de l'islam, c'est l'ensemble des critères minimums requis pour obtenir le nom et le statut du musulman. C'est le minimum qu'il faut avoir pour être musulman. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, on n'a pas d'islam. Ça, c'est le fondement de l'islam. Et ce fondement de l'islam est composé de deux éléments. Premier élément, c'est la foi en l'unicité d'Allah. Et le deuxième élément, c'est la foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces deux choses-là sont les fondements de l'islam. Celui à qui il manque une de ces deux choses n'est pas musulman. Donc, le premier, c'est la foi en l'unicité d'Allah, al-iman bi tawhidillah, et le deuxième, c'est la foi en la prophétie de Muhammad, al-iman bi risalati Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et ces deux piliers sont réunis dans la shahada par laquelle on rentre dans l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je témoigne qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Donc la foi en l'unicité d'Allah, tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed ont professé le même monothéisme, ils ont eu le même tawhid. Tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, ils ont tous eu le même tawhid, ils n'ont jamais divergé dessus. Et jamais un prophète n'a eu un autre monothéisme, jamais un prophète n'a eu un monothéisme différent d'un autre. Ils ont tous eu le même tawhid. Et ce tawhid, ce monothéisme que tous les prophètes ont en commun, il consiste en deux choses. La première, c'est de désavouer le tarout, ce qui désigne les faux dieux, ce qui consiste à abandonner leur adoration, les détester, être convaincu de leur fausseté, désavouer ceux qui les adorent et les haïr. C'est-à-dire haïr ceux qui adorent le tarout et se désavouer d'eux et les bannir de l'islam. Tout ceci fait partie de la description du désaveu du tarout. Et la deuxième chose qui compose le tawhid d'Allah, c'est le fait d'avoir foi en Allah, ce qui consiste à adorer Allah seul sans aucun associé. Celui qui n'adore pas Allah n'a pas foi en Allah. Donc adorer Allah sans aucun associé, ne lui attribuer aucune ressemblance aux créatures et aux idoles, et lui nier toute imperfection qui invaliderait sa seigneurie ou sa divinité. Celui qui ne remplit pas l'un de ces deux critères, c'est-à-dire celui qui ne remplit pas le désaveu du tarout ou la foi en Allah, il n'est pas musulman et il n'appartient à la religion d'aucun prophète. Il ne suit absolument aucun prophète. Il s'oppose à l'enseignement de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed. Celui donc qui ne concrétise pas le désaveu du tarout et la foi en Allah que nous avons défini ici, celui qui ne remplit pas l'une de ces choses, il s'oppose à la religion de tous les messagers sans exception. Est-ce qu'il y a du son? Alors quand j'ai dit donc qu'il faut nier toute imperfection qui invaliderait la seigneurie d'Allah ou la divinité d'Allah, que ceci fait partie de la foi en Allah sans laquelle la foi en Allah n'est pas valide, on va quand même rappeler, préciser quelque chose au sujet donc des gens qui renient certains noms et attributs d'Allah. Nous allons dire ici que ceux qui affirment qu'Allah ne voit pas, ou qu'Allah n'entend pas, ou qu'Allah ne sait pas, ou qu'Allah n'est pas capable, ou qu'Allah ne parle pas, ou qu'Allah est muet ou autre, ou qu'il lui attribue quoi que ce soit comme imperfection qui invaliderait la seigneurie et la divinité d'Allah, ceux-là sont automatiquement des mushrikoun, car ils font ressembler Allah aux idoles de pierre et de bois qui sont inertes et incapables. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui croit qu'Allah ne sait rien du tout, parce que, comme le disent les Jahmiyyah extrémistes, les purs Jahmiyyah, al-Jahmiyyah al-Mahdha, les Jahmiyyah disent que comme l'être humain sait, eh bien Allah ne peut pas savoir, puisque si on venait à dire qu'Allah sait, cela ferait ressembler Allah aux êtres humains, d'accord. Donc les Jahmiyyah extrémistes disent qu'Allah n'entend pas, ne voit pas, ne sait pas, n'est pas capable, d'accord, des choses illunies, donc ce genre de sifat. Et ces sifat là, comme l'expliquent les salafs, ce sont des sifat, ce qu'on appelle dit aqliya, c'est-à-dire ce sont des sifat sans lesquels il n'est pas possible d'affirmer l'existence d'Allah ou son droit d'être adoré. C'est-à-dire que un être qui n'entend rien, est-ce qu'il mérite qu'on l'invoque? Est-ce que quelque chose qui n'entend rien, est-ce qu'il mérite qu'on l'invoque? C'est une question que je vous demande. Celui qui n'entend rien, est-ce qu'il mérite qu'on lui demande des choses? Est-ce qu'il a le droit à ce qu'on l'adore? Celui qui n'entend rien, est-ce qu'il mérite qu'on l'adore? Si vous pouvez participer, Inch'Allah. Donc, est-ce que celui qui n'entend rien mérite qu'on l'adore? Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, celui qui n'entend rien, il ne mérite pas qu'on l'adore, évidemment. De la même manière, celui qui n'est capable de rien, celui qui n'est pas capable, est-ce qu'il mérite qu'on l'adore ou qu'on lui demande des choses alors qu'il n'est pas capable de faire des choses? D'accord? Celui qui ne voit rien, est-ce qu'il mérite qu'on l'adore? Etc. Donc, toutes ces sifats-là. Donc, en fait, lorsqu'on remarque les Jahmiyyah qui disent qu'Allah azawajal n'entend pas, qu'Allah ne voit pas, qu'Allah ne sait pas, qu'Allah n'entend pas, qu'Allah ne parle pas, qu'Allah est incapable, et que ça c'est la divinité que les Jahmiyyah adorent. Donc les Jahmiyyah, ils adorent une divinité qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne sait pas, etc. On constate que leur divinité, qu'est-ce qu'elle a de différent en fait entre leur divinité et les statues qui sont adorées en dehors d'Allah? Quelle est la différence entre une statue de pierre qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui ne sait pas, qui est incapable, et la divinité des Jahmiyyah qui disent que leur divinité, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne sait pas, etc. Donc il n'y a aucune différence. Donc celui qui considère qu'Allah azawajal n'entend pas, ne sait pas, etc., c'est un mushrik, il fait ressembler Allah azawajal aux statues. Ou, comme le disent les salafs, ils le font même ressembler au néant. À partir du moment où ils disent qu'Allah est nulle part, d'accord, ils ne disent pas qu'Allah, ils refusent de dire qu'Allah est au-dessus des cieux, ou alors ils disent qu'il est partout, ou alors ils disent qu'il est nulle part, d'accord. Celui qui dit qu'Allah est nulle part, eh bien, en d'autres termes, il a nié l'existence d'Allah, walayyadu billah, d'accord. Et bref, toute personne qui conteste des attributs sans lesquels la divinité d'Allah ne peut être prouvée. C'est-à-dire, si Allah je n'entend pas, il ne peut être une divinité qui mérite l'adoration. Si Allah je ne sait pas, il ne peut pas être une divinité qui mérite l'adoration. Etc. D'accord. Donc, celui qui nie ce genre de sifat ne peut être musulman. Et puis, il y a d'autres genres de sifat qui peuvent. Donc, un instant, je vais vous demander, Inch'Allah. TV, Inch'Allah. Donc. celui qui... Oui, il y a encore des Jahmiyyah aujourd'hui, ça existe encore. Tabatou nous demande est-ce que ces gens-là existent encore aujourd'hui. Les Jahmiyyah, ça existe encore. Ça dépend un peu... Il y en a dès qu'ils sont exactement comme les Jahmiyyah d'avant, je ne sais pas s'il y en a encore, mais certaines sectes ont repris certains de leurs principes, d'accord. Donc je reviens, donc je disais, il y a certaines sifats qui par contre... sans lesquels il est possible de quand même affirmer la divinité d'Allah Azza wa Jal. Je vous donne comme exemple, par exemple, les deux mains d'Allah Azza wa Jal. est-ce qu'il nous aurait été possible de savoir qu'Allah a deux mains si Allah ne nous l'avait pas dit? Si Allah ne nous avait pas dit qu'il la possède deux mains, est-ce qu'on aurait eu le droit de le savoir? Est-ce qu'on aurait pu le savoir? Bon. Donc avant qu'Allah Azzawajal ne révèle les versets où que le prophète nous informe de cela, il n'aurait pas été possible de savoir qu'Allah est devin, et nous n'aurons pas eu le, est-ce qu'on aurait eu le droit de notre propre aql, de notre propre raison, affirmer qu'Allah Azzawajal possède deux mains? Ça n'aurait pas été possible. Et une main, est-ce qu'il nous aurait été possible d'affirmer qu'Allah possède une main sans un dalil? Non, il n'aurait pas été possible. Par contre, il est possible sans dalil d'affirmer qu'Allah entend et voit. Vous êtes d'accord avec moi? Le prophète, lorsqu'il sait qu'Allah existe et qu'il sait qu'Allah doit être adoré, que celui qui a créé tous les cieux et la terre mérite l'adoration, il ne peut que même par son acte savoir qu'Allah Azzawajal entend, voit, et forcément qu'il est capable au minimum de créer les cieux et la terre, d'accord? Après, il se peut qu'une personne ignore à quel point peut aller la puissance d'Allah, ou à quel point il peut entendre toute chose, d'accord? Et des fois, il se peut qu'une personne ait une sorte d'ignorance concernant certains détails de ce genre de sifat, mais toute personne, même de par sa simple raison, ne peut en aucun cas croire que celui qui l'adore est incapable, etc. Mais par contre, la sifat de la main, la sifat du visage, le fait qu'Allah Azzawajal descende au dernier tiers de la nuit, etc., ce genre de sifat, le fait de les ignorer n'a pas pour effet direct d'ignorer la divinité d'Allah et sa seigneurie, d'accord? Donc celui qui ignore que Allah Azzawajal a deux mains ou une main, ou qui ignore qu'Allah Azzawajal a un visage, ou qui ignore qu'Allah Azzawajal a une jambe comme c'est venu dans les hadiths, ou ignore qu'Allah Azzawajal a deux yeux comme c'est venu dans les hadiths, etc., celui qui ignore ce genre de sifat, cette ignorance n'a pas pour effet direct d'ignorer la seigneurie d'Allah Azzawajal. Donc, pour les Asma wa Sifat, il existe donc certaines sifat sans lesquelles que celui qui les ignore ne peut en aucun cas croire en la divinité d'Allah. Et ces sifat-là, ce sont toutes les sifat donc sans lesquelles la puissance, la divinité d'Allah Azzawajal ne peut être affirmée. Et on ne sait pas vraiment les limiter comme ça, mais il va de soi que le fait d'entendre, de voir, de savoir, de pouvoir, de etc., toutes ces sifats que nous avons données, le fait de parler, le fait qu'Allah parle et qu'Allah n'est pas muet, toutes ces choses là ce sont des choses que nous sommes obligés de savoir. Sans celui qui ne sait pas ces choses là ne croit pas en l'existence, ne croit pas aux sifats sans lesquels Allah Azzawajal ne peut être considéré comme une divinité ou un seigneur, un vrai seigneur. C'est pourquoi les Jahmiyyah d'après les salafs sont des mécréants à l'unanimité. Il y a unanimité des salafs sur le fait que les Jahmiyyah extrémistes, les Jahmiyyah al-Mahda, qui abolissent tous les noms et les attributs, ce sont des mécréants, ce ne sont pas des musulmans. Donc ça c'est pour la foi en Allah Azzawajal. Nous avons donc défini quelle est la signification de la foi en Allah Azzawajal. Donc pour rappel, donc la foi en Allah Azzawajal, ça consiste à premièrement désavouer le tarout, ce qui désigne les faux dieux. Les tarout, c'est tout ce qui s'attribue un pouvoir ou un droit d'Allah Azzawajal. Et désavouer le tarout, ça signifie abandonner l'adoration du tarout, détester le tarout et détester l'adoration du tarout, être convaincu de leur fausseté, détester ceux qui adorent le tarout et les bannir de l'islam, se désavouer d'eux. Et la foi en Allah, donc celui qui ne remplit pas un de ces critères-là n'est pas musulman. Donc celui qui n'abandonne pas l'adoration du tarout, par exemple quelqu'un qui déteste le tarout, qui est convaincu de sa fausseté, qui considère que ceux qui l'adorent ne sont pas musulmans, mais qui continue à adorer le tarout, par exemple, qui le fait pour de l'argent, par exemple, ou pour dunya. Cela arrive que des gens adorent un autre qu'Allah sans aucune, tout en sachant très bien en eux-mêmes que ce qu'ils font est interdit et détesté par Allah et que ceci est une adoration fausse, mais pour de l'argent, et c'est le cas de beaucoup de mécréants, pour quelque chose de l'argent ou quelque chose de dunya, que ce soit l'argent, la famille ou le commerce, les choses qu'Allah Azzawajal a mentionnées dans le Coran, qui font donc du shirk, qui adorent le tahout pour dunya. Et ceux-là, ce sont des mushrikoun, même s'ils détestent le tahout en fait, etc. Ou alors celui qui abandonne l'adoration du tahout, mais qui ne déteste pas ce tahout, ou qui ne déteste pas ceux qui adorent le tahout, etc. Celui qui ne remplit pas ces choses-là, il n'a pas désavoué le tahout. Et de même, celui qui donc déteste le tahout, etc., mais qui n'adore pas Allah du tout, qui n'adore pas Allah, qui ne pratique rien de l'islam, qui ne pratique aucun ordre d'Allah Azzawajal, qui n'adore en rien Allah Azzawajal, celui-là non plus n'est pas monothéiste, il n'a pas de foi, il n'est pas musulman. Et en fait, il n'a pas réellement désavoué le tahout. Parce qu'en fait, ce qui l'a amené à ne pas adorer Allah, c'est l'obéissance à Shaitan qui le lui a inspiré. Donc il n'a pas désavoué Shaitan. Donc celui qui ne remplit pas l'un de ces critères, donc le désavoué du tahout et l'adoration d'Allah, la foi en Allah, il n'appartient à la religion d'aucun prophète et il n'est donc pas musulman. Ensuite, la deuxième partie du fondement de l'islam, c'est la foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un fondement de l'islam qui ne concerne que la communauté de Mohammed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans au temps de Moussa alayhi salam, ils ne devaient pas suivre Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Ils ne devaient suivre que Moussa alayhi salam. Il n'était pas une condition à cette époque-là, il n'était pas une condition pour être musulman que d'avoir foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc la foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam ne concerne que la communauté de Mohammed. La communauté de Mohammed, ce qu'on entend par la communauté de Mohammed, c'est-à-dire toute l'humanité depuis que Mohammed est devenu un prophète. Comme lorsque le prophète il a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, nul juif ni chrétien de cette communauté, regardez, il a dit juif et chrétien de cette communauté, n'entendent parler de moi, puis ils meurent sans avoir cru en ce que j'ai enseigné, sans qu'ils ne fassent partie des gens du feu. Ici, la communauté, évidemment, il va de soi que les juifs et les chrétiens ne sont pas musulmans, mais le prophète les a mis dans sa communauté, c'est-à-dire la communauté concernée à qui s'adresse là le message de Mohammed. Donc, la communauté de Mohammed, la foi en la prophétie de Mohammed n'est une condition de l'islam que pour la communauté de Mohammed, c'est-à-dire, ce n'est une condition de l'islam que depuis que Mohammed est devenu prophète. Avant que Mohammed ne soit prophète, il n'était pas une condition d'islam d'avoir foi en sa prophétie. Donc, la communauté est tout individu vivant sur terre depuis que Mohammed est devenu prophète. Avant que Mohammed, donc comme je l'ai dit, avant que Mohammed soit devenu prophète, aucun individu vivant sur terre n'était tenu de croire en sa prophétie. Et si la prophétie de Mohammed consiste à, premièrement, croire en tout ce qu'il informe, c'est-à-dire le fait de croire que tout ce que le prophète nous informe venant d'Allah est vrai. On ne peut pas douter. Même avoir le moindre doute, c'est une mécréance après qu'on sait que le prophète l'a dit. Celui qui sait que le prophète a informé d'une chose et après cela ne le croit pas, en doute ou pire encore le dément ou le rejette, celui-là n'a pas foi en la prophétie de Mohammed. Deuxièmement, il faut accepter ses ordres. Et accepter les ordres de Mohammed n'est pas la même chose que de croire en ce qu'il informe. Il y a une différence entre les deux, comme on avait vu dans la définition de la foi. Croire en ce qu'il informe, c'est-à-dire le fait de dire c'est vrai ce que Mohammed a dit ici, c'est vrai. Et le contraire de ça, ce qui annule ça, c'est le fait de dire ce n'est pas vrai. Par contre, le fait d'accepter ses ordres, c'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, lorsque le prophète, par exemple, ordonne de faire la salat, lorsqu'il dit à quelqu'un fais la salat, on lui répond c'est vrai, oui tu as raison. Non, on répond d'accord, je fais la salat. D'accord. Donc c'est ça, accepter ses ordres. Et il y a une différence entre les deux, et cette grosse différence, elle nous est prouvée par le fait que les juifs connaissent et croient en ce qu'informe Mohammed alayhi salatu wassalam, mais ils n'acceptent pas de le suivre. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. C'est-à-dire ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les juifs, le reconnaissent tout comme ils reconnaissent leurs propres enfants, mais un groupe d'entre eux, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. C'est-à-dire que les juifs, ils savent, ils croient en ce que Mohammed, ils croient que ce que dit Mohammed est la vérité, mais ils n'acceptent pas de le suivre. Donc le deuxième, donc le premier pilier, donc la première, le premier pilier de la foi en la prophétie de Mohammed, c'est de croire en ce qu'il informe. Et deuxièmement, accepter ses ordres. Troisièmement, n'adorer Allah que d'après son enseignement qu'il apporta d'Allah. Celui qui adore Allah d'après la loi de Isa alayhi salam ou de Moussa alayhi salam et ses lois qui ont été abolies par le prophète alayhi salam, il n'est pas musulman. Celui qui veut adorer Allah d'après la Bible ou la Torah ou autre, alors que Mohammed a été envoyé, il n'est pas musulman. Et nous sommes à quatrièmement, désavouer quiconque prétend être prophète après lui. Celui qui croit que en la prophétie d'un autre après lui, celui qui pense que un autre après lui est devenu prophète et qu'il faut le suivre, d'accord, ceux qui suivent un faux prophète après lui ou qui suivent quelqu'un d'autre, qui prennent quelqu'un d'autre que lui pour prophète aujourd'hui et suivent une autre législation que celle de Mohammed alayhi salatu wasalam, ce sont des mécréants, ils n'ont pas foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et de même, ceux qui abolissent les lois de Mohammed alayhi salatu wasalam pour les remplacer par des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes ou sur lesquelles ils se sont mis d'accord eux-mêmes ou sur lesquelles se sont mis d'accord d'autres mécréants et qu'ils ont décidé d'adopter comme loi pour leur administration, pour leur pays ou autre chose, ceux-là aussi n'ont pas témoigné que Mohammed n'ont pas foi en la prophétie de Mohammed, ils n'ont accepté d'obéir à ses ordres. Donc celui qui ne remplit pas l'un de ces critères, après que Mohammed soit devenu prophète, n'appartient pas à la religion de Mohammed et il n'est pas musulman. Maintenant aussi, il est quand même important de noter une chose, c'est que le fondement de la foi en la prophétie de Mohammed, c'est ce que nous avons mentionné, les quatre points qu'on a mentionnés là. Mais par contre, ce n'est pas une condition de connaître tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné. Il n'est pas obligatoire de savoir tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné, tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a interdit, tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a informé. Il n'est pas obligatoire de connaître tout avant de devenir croyant. Mais le minimum requis pour être croyant, pour avoir foi en la prophétie, c'est le fait d'adopter le principe que cet homme qui est alayhi salatu wasalam, j'atteste qu'il est messager d'Allah, et tout ce que j'apprendrai venant de sa part, j'y croirai, je l'accepterai, même si je ne le connais pas encore maintenant. Tout ce que je veux apprendre venant de sa part, quand je sais que ça vient de lui, je le crois et je l'accepte. Ça, c'est la foi en la prophétie de Mohammed. Même si après tu ignores des centaines et des centaines de choses qu'il a dit, d'accord, à partir du moment où on sait qu'il y a des millions de hadiths qui ont été rapportés du prophète alayhi salatu wasalam, si on ne pouvait être croyant qu'après avoir cru en toutes ces choses-là, ce serait en fait plus ou moins impossible d'être croyant, d'accord. Et pour dire vrai, il n'y aurait quasiment pas eu un seul croyant sur terre depuis 1400 ans, d'accord. Si ce n'est, même certains compagnons ne connaissaient pas tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam avait dit, d'accord. Donc ceci est complètement, il serait complètement faux et absurde de dire qu'on ne peut être croyant qu'après avoir connu tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné, ordonné et interdit. Mais le minimum donc requis pour avoir la foi en la prophétie de Mohammed, c'est d'adhérer au principe que tout ce qui vient de lui est vrai et tout ce qu'il ordonne, on accepte d'y obéir. Et faites bien la différence entre accepter d'obéir et obéir. Il y a une différence entre les deux. Cette subtilité peut faire vaciller, peut faire basculer dans l'exagération, dans le takfir, comme l'ont fait les khawarij. Le fait d'accepter d'obéir, c'est-à-dire le fait que lorsque le prophète alayhi salatu wasalam ordonne une chose, par exemple, ou interdit une chose. Si le prophète alayhi salatu wasalam interdit ou ordonne de laisser pousser la barbe, par exemple, lorsqu'une personne sait que le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné de laisser pousser la barbe et qu'il a interdit de la raser, eh bien, il doit accepter cet ordre, aimer cet ordre. Mais il se peut que, par passion ou par tentation, malgré qu'il a cette envie, cet amour pour cette barbe, qu'il aimerait, qu'il accepte d'adopter cette barbe, mais il la rase par tentation. Ceci n'invalide pas forcément le fait qu'il accepte cette loi. D'accord ? Donc, l'acceptation de la prophétie de Mohammed d'une loi par exemple ou d'un ordre, etc., le fait d'abandonner un ou deux ordres ou des choses de manière isolée ou par-ci par-là ou le fait de faire même beaucoup de péchés, tout ceci ne signifie pas qu'on n'a pas accepté de suivre le prophète alayhi salam. Par contre, celui qui ne pratique rien du tout de ce que le prophète alayhi salam a ordonné, ceci rentre dans ce que nous avons lu dans le chapitre de la foi. Donc celui qui ne pratique rien d'islam alors qu'il en est capable, il ne peut en aucun cas avoir la volonté de pratiquer, ni il ne peut en aucun cas avoir accepté de suivre le prophète, car lorsque l'acceptation et la volonté se trouvent dans le cœur et que le corps est capable de pratiquer, eh bien cela doit forcément et automatiquement causer une action, même si c'est seulement une seule ou quelques-unes. Mais celui qui ne pratique rien du tout de l'islam n'est pas musulman à l'unanimité des salafs. Donc le fondement de l'islam, c'est deux choses. Donc le fondement de l'islam est composé de deux choses. La première, c'est une doctrine qui est commune à tous les prophètes depuis Adam jusqu'au Mohammed, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Et le deuxième, c'est la foi en la prophétie de Mohammed, et ceci ne concerne que la communauté de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et celui qui ne remplit pas l'un de ces critères ne peut en aucun cas être considéré musulman, même s'il se prétend musulman. L'imam Barbahari dit dans Sharh al-Sunnah au point numéro 28: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم ولا بالحقيقة. C'est-à-dire aucun musulman ne sort de l'islam tant qu'il ne rejette. Donc l'imam Barbahar, il dit aucun musulman ne sort de l'islam tant qu'il ne rejette pas un verset du livre d'Allah ou quoi que ce soit comme récit du prophète, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui, alayhi salatu wassalam. Ou qu'il prie un autre qu'Allah ou offre un sacrifice à un autre qu'Allah. S'il fait quoi que ce soit de cela, il te sera obligatoire de le bannir de l'islam. Et s'il ne fait rien de cela, alors c'est un croyant musulman dans le nom mais pas dans la réalité. Dans le nom mais pas dans la réalité, c'est-à-dire la réalité de l'islam et de la foi ne sera accordée qu'après, que lorsque l'homme se sera écarté des interdits et aura accompli tous ses devoirs envers Allah Azza wa Jal. Mais tant qu'il ne s'écarte pas des péchés, etc., il n'aura pas atteint la réalité, la perfection de son islam et de sa foi. C'est ça que veut dire la parole de l'imam Barbahari. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh a dit, donc c'est l'auteur de Fath al-Majid, le Sharhiyat al-Tawhid, a dit dans Durar al-Saniya, volume 11, page 545: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ وَجَمِيعَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَ لَا يَكُونَ مُسْلِمًا إِلَّا بِالتَّجَرُّدِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ وَمِمَّنْ فَعَلَهُ وَبُغْضُهُمْ وَمُعَادَتُهُمْ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وإخلاص الأعمال كلها لله كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. C'est-à-dire tous les savants, anciens et contemporains, des compagnons et leurs disciples jusqu'aux imams et l'ensemble des sunnites sont unanimes pour dire que l'homme ne devient musulman qu'après s'être dépouillé de tout shirk akbar, de toute idolâtrie majeure, s'en être désavoué ainsi que de ceux qui la commettent. Donc notez bien, il faut désavouer non seulement l'adoration d'Allah, mais aussi ceux qui commettent l'adoration d'un autre qu'Allah, les détester et s'opposer à eux dans la mesure du possible et de la capacité. Donc notez que le fait de s'opposer à eux est lié et rattaché à la mesure du possible et de la capacité. Celui qui est incapable de s'opposer à eux physiquement, il n'est pas concerné ici. Et ne vouer toutes ses œuvres de dévotion qu'à Allah uniquement, comme le rapporte Mu'az ibn Jabal d'après les deux recueils authentiques, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui donne aucun associé. Fin de citation. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab dit dans Durar al-Saniya, volume 8, page 118: ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بالنبوة مسيلمة ظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود الزور شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في رفه فهو كافر. C'est-à-dire, donc Mohammed ibn Abdelrahab a dit, et certains persistaient à prononcer les deux témoignages. En fait, Mohammed ibn Abdelrahab ici, il parle de ceux qui ont apostasé de l'islam après la mort du prophète alayhi salam. Il expliquait les différents types d'apostats qu'il y a eu. Et donc, il dit, certains persistaient à prononcer les deux témoignages. Donc, il y avait certains apostats qui continuaient à faire la shahada, à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais ils crurent en la prophétie de Musaylimah. Musaylima, entre parenthèses, donc c'était un homme qui déjà à l'époque du prophète prétendait être un prophète. Il prétendait être aussi un prophète envoyé par Allah. D'accord. Il y en a donc qui crurent en la prophétie de Musaylima en pensant que le prophète l'avait associé à la prophétie. Et Musaylima avait posté de faux témoins qui attestèrent de cela. Donc Musaylima, il avait amené des faux témoins, des gens qui ont prétendu que le prophète alayhi salatu wasalam avait réellement associé Musaylima à la prophétie. Alors beaucoup de gens crurent Musaylima, et malgré cela les savants furent unanimes qu'ils sont apostats, même s'ils ignorent là, et que quiconque doute de leur apostasie est un mécréant. Fin de citation. Ibn al-Qayyim dit dans Tariq al-Hijratayn, page 411, et nous avons déjà fait cette citation, والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. Est-ce qu'il y a du son? Tabatoul ne m'entend plus. Ibn al-Qayyim dit dans Tariq al-Hijratayn, page 411, والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. L'islam est l'unicité d'Allah et l'adorer seul sans associé, et avoir foi en Allah et en son messager et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tout serviteur n'accomplissant pas ceci, ici quand on dit tout serviteur, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah dans le sens toute la servitude universelle. Et à ce moment-là, les mécréants autant que les oiseaux et les pierres sont tous des serviteurs d'Allah Azzawajal. Donc tout serviteur n'accomplissant pas ceci n'est pas musulman. Et s'il n'est pas un mécréant entêté, alors c'est un mécréant ignorant. Et donc au pire des cas, cette catégorie, donc il parle de ceux qui suivent aveuglément les mécréants et leurs leaders mécréants dans la mécréance, cette catégorie appartient aux mécréants ignorants et non pas entêtés. Et le fait qu'ils ne soient pas entêtés n'empêche pas qu'ils soient mécréants. Fin de citation. Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman dit dans Minhaj Ta'sis wa Taqdis, page 98-99, وَالْعَلَّامَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَزِمَ بِكُفْرِ الْمُقَلِّدِينَ لِشُيُوخِهِمْ فِي الْمَسَائِلِ الْمُكَفِّرَةِ إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ طَلْبِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَتِهِ وَتَأَهَّلُوا لِذَلِكَ فَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة الرسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه. وأما الشرك يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله. Fin de citation. Et cette citation, elle est très importante. Donc, Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman dit, il érudit le savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut catégorique dans son verdict de mécréance sur ceux qui suivent aveuglément leur gourou dans l'impiété, dans le kufr, alors qu'ils sont capables de rechercher après la vérité et de la connaître, mais s'en désintéressent et s'en détournent. Quant à ceux qui ne sont pas capables de prendre connaissance de l'enseignement des messagers, il entre selon lui, donc selon Ibn al-Qayyim, dans la catégorie des gens de la rupture d'Al-Fatra, ceux qui n'ont eu, donc c'est-à-dire ceux à qui aucun messager n'est parvenu. Mais après, donc écoutez bien ce qu'il dit ici le Cheikh, il dit, mais aucune des deux catégories, c'est-à-dire ni ceux qui sont capables d'apprendre, ni ceux qui ne sont pas capables d'apprendre, aucune des deux catégories ne sont jugées musulmans. Et ils ne rentrent pas sous la nomination de musulmans, et écoutez bien ce qu'il dit, même selon ceux qui ne donnent pas le statut de mécréant à certains d'entre eux. Et cette citation elle est importante parce qu'ici le cheikh Abdel Latif Ibn Abdelrahman affirme bien qu'il existe donc des ulama, donc que les ulama font différence entre le fait de dire que quelqu'un n'est pas musulman et le fait de lui donner le statut du mécréant, parce qu'il a dit que aucune des deux catégories ne rentre dans la nomination de musulman, même selon ceux, donc selon les savants, qui ne donnent pas le statut de mécréant à certains d'entre eux. Et nous allons citer ces propos, donc le cheikh dit nous allons citer ces propos, mais ça il le citera plus, nous n'allons pas citer jusque là. Puis le cheikh dit, mais pour ce qui est du shirk, il mérite ce nom, et ce nom les englobe, et quel islam peut-il rester chez quelqu'un alors que sa racine même est détruite. Ceci, fin de citation de Cheikh Abdel Latif Ibn Abdelrahman Ibn Hassan Ali Sheikh. Et cette citation est très importante à retenir, avec la référence même. D'accord. Donc il a dit ça dans son ouvrage Minhaj ou Ta'sis wa Taqdis fi Radi Ala Ibn Jarjis, page 98-99. Donc les points à retenir de ce chapitre, c'est que celui qui adore un autre qu'Allah a quitté la religion de tous les prophètes. Celui qui adore un autre qu'Allah, celui qui fait du shirk, qui adore un autre qu'Allah, il n'appartient à la religion d'aucun prophète. Et aucun prophète, depuis Adam jusqu'à Mohammed, n'a enseigné de faire ce qu'il est en train de faire. Deuxièmement, celui qui prétend n'adorer qu'Allah, celui qui prétend qu'il n'adore qu'Allah uniquement, mais il ne suit pas le prophète, alors il a quitté la religion de Mohammed. Et il n'est pas musulman ni monothéiste, comme les juifs par exemple. Les juifs, ils prétendent qu'ils n'adorent qu'Allah, mais ils refusent d'adorer Allah d'après la loi de Mohammed. Et ceci, comme nous l'avons vu dans la définition de l'islam, la citation d'Ibn Taymiyyah, qui nous dit que les juifs, il n'est pas permis de dire que les juifs adorent Allah Azzawajal, parce que ceux qui adorent Allah Azzawajal, Allah leur a promis le paradis, et les juifs n'iront jamais au paradis. Donc les juifs, lorsqu'ils prétendent, lorsqu'ils croient qu'ils n'adorent qu'Allah, ils adorent Shaitan en fait. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'adorer Allah comme Allah veut être adoré. Ils, eux, veulent l'adorer comme Shaitan le leur inspire, et donc ils refusent d'adorer Allah selon la loi de Mohammed, et donc ceci fait d'eux des mushrikoun, des adorateurs de Shaitan. Parce que c'est Shaitan qui ils obéissent à Shaitan par là. Ils obéissent à Shaitan dans la non-adoration d'Allah d'après sa loi. Donc, troisièmement, celui qui prétend n'adorer qu'Allah uniquement, et qui prétend croire en la prophétie de Mohammed, mais qui prétend qu'un autre après lui est également prophète et le suit, donc il suit un autre prophète que Mohammed après Mohammed, il n'est pas musulman et il n'appartient plus à la religion de Mohammed, comme la secte de Ahmadiyya, donc ceux qui croient en la prophétie, je crois qu'ils sont en Inde ou au Pakistan, je ne sais plus exactement où ils sont, donc ils croient en la prophétie de leur Ahmed, donc ils sont surnommés les Ahmadiyya, et de même ceux qui ont cru en Musaylima al-Kadhab, ceux-là ne sont pas musulmans. Quatrièmement, il n'y a rien qui puisse excuser celui qui ne remplit pas l'un de ces critères, que ce soit l'ignorance ou l'erreur. Donc celui qui adore un autre qu'Allah ne pourra être considéré comme musulman sous prétexte qu'il est ignorant. Celui qui adore un autre qu'Allah, on ne va pas dire, ah mais comme il est ignorant, il est quand même musulman. Parce que le musulman, c'est celui qui n'adore. C'est qui le musulman? C'est celui qui désavoue le tarot et qui adore Allah uniquement, et qui à fond la prophétie de Mohammed. Celui qui n'a pas à fond la prophétie de Mohammed, il n'est pas musulman. Et celui qui n'adore pas Allah uniquement, il n'est pas musulman non plus. Et celui qui suit un autre prophète que Mohammed ne pourra pas être considéré non plus musulman sous prétexte qu'il est ignorant. Cinquièmement, le fait de connaître les enseignements du prophète ne se rattachant pas à l'unicité d'Allah, ce n'est pas un fondement de l'islam. Donc le fait d'ignorer les enseignements du prophète qui ne font pas directement partie de l'unicité d'Allah, ce n'est pas un fondement de l'islam. Et le fait de nier dire qu'un mouchrik n'est pas musulman, cela ne signifie pas forcément de faire son takfir. Il y a une différence entre le fait de faire le takfir d'un mouchrik et le fait de dire qu'un mouchrik n'est pas musulman, comme nous l'avons vu dans la parole de Cheikh Abdel Latif Ibn Abdelrahman Ibn Hassan Ali Sheikh, qui nous a donc mentionné que même selon les savants qui ne donnent pas le statut de mécréant à ceux qui sont incapables de connaître la vérité, ils ne les nomment pas musulmans pour autant, et ce sont bel et bien des mouchrikoun. Il n'y a pas de divergence sur ça, comme le mentionna Cheikh Abdel Latif Ibn Abdelrahman Ibn Hassan Ali Sheikh. Ça, c'était pour la définition du fondement de l'islam, le asl du din, c'est-à-dire le minimum requis chez un être humain pour mériter d'être considéré musulman. Ce sont ces choses-là. Ensuite, nous voyons les branches de l'islam. Qu'est-ce que c'est les branches de l'islam? Ici, nous disons par branches de l'islam, par opposition au fondement de l'islam, les branches de l'islam concernent les lois et les rituels qui ne sont pas communs à tous les prophètes. ou les informations qui ne peuvent être connues que après qu'Allah les révèle à son messager et que celui-ci le transmet, comme l'interdiction de certains péchés, des péchés qui sont moindres que le shirk, les obligations autres que le tawhid, comme la prière, la zakat, le hajj, donc le pèlerinage, le jeûne du ramadan, l'appel à la prière, etc. Ces choses-là, il n'est pas possible de les connaître tant qu'Allah Azzawajal n'en a pas, ne l'a pas révélé à un prophète et que le prophète ne nous le transmette. Ou encore les informations concernant les sifats de l'être d'Allah Azzawajal, comme ses mains, ses yeux, son visage, etc. Ou les informations concernant la description du jour du jugement, du châtiment de la tombe, de l'éternité du paradis et de l'enfer, etc. Ces choses-là, il n'est pas possible à un homme de connaître ces choses-là ou de savoir qu'Allah possède ces attributs tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Allah Azzawajal a dit: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sourate 2, verset 255. C'est-à-dire, il ne connaît de leur passé, donc Allah Azzawajal connaît leur passé et leur futur, mais ses serviteurs, eux, de sa science, ils n'embrassent que ce qu'Allah veut, que ce qu'il veut. Et Allah Azzawajal a dit, dans sourate 17, verset 36, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Donc Allah Azzawajal, dans ce verset, il interdit de poursuivre ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc il y a des choses que tant que tu ne connais pas, tu n'as pas le droit de suivre, de poursuivre ou de croire. Et Allah Azzawajal a dit dans sourate 7, verset 33, « Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Dans ce verset, Allah a interdit de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, et il a même mis ça dans l'ordre de gravité après le shirk. Donc dans ce verset, il a mis ça comme étant encore plus grave que le shirk, comme le mentionna Ibn al-Qayyim, entre autres. Le fait de parler sur Allah sans savoir. Et Allah a dit dans la sourate 5, verset 48, « Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi et le faire prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, donc parmi les gens, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. » Et après, Allah donc dit dans ce verset, « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. » Donc une législation, « shir'an » Shir'ah, et un plan à suivre, ce qu'on appelle minhaj. Donc le minhaj et shir'ah, donc la loi et le minhaj, le plan à suivre, ce sont des choses qui changent de prophète en prophète. Puis Allah dit, si Allah l'avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Fin du verset. Donc on ne peut connaître d'Allah que ce qu'il veut. Et si Allah n'avait pas révélé à ses serviteurs qu'il possède deux mains, personne n'aurait pu le savoir de son propre intellect. Il n'est également pas possible de connaître le nombre de prières qu'il y a par jour, ni la façon de les faire, ni même qu'elles sont obligatoires, tant qu'Allah n'a pas révélé ces choses-là, et que ce dernier ne nous les transmet. Il n'est pas possible de connaître l'obligation de la zakat, ni la somme de la zakat, la quantité, le montant, ni le moment à laquelle il faut la donner, tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Et il n'est pas possible de connaître le jeûne, ni le mois du jeûne, ni sa durée, tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Ces choses-là, on ne peut le connaître que par l'intermédiaire d'un prophète. Et il n'est également pas possible de savoir que la viande de porc ou le vin ou les jeux de hasard sont interdits tant qu'Allah ne l'a pas révélé à son messager et que ce dernier le transmette. Il n'est pas non plus possible de savoir à partir de quand est-il permis aux musulmans de céder aux mécréants lorsqu'ils le forcent à commettre du shirk, vu que la contrainte n'était pas autorisée à certains prophètes et donc ne fait pas partie des fondements de l'islam, etc. Quant aux branches de l'islam, donc les branches de l'islam, elles se divisent en deux catégories. Les branches de l'islam, elles se divisent en deux catégories. La première, ce sont les lois et les rituels qui sont évidents et élémentaires. Et cette catégorie-là, c'est ce que le commun des musulmans et la populace musulmane est censée connaître. Ce sont, comme l'explique Ibn Taymiyyah, des choses que même si tu interroges un ami dans la rue et que tu lui demandes est-ce que ça c'est dans l'islam, il sait répondre, il le sait. Ça, ce sont donc les lois et les rituels évidents et élémentaires. Et la deuxième catégorie, ce sont les questions et les sujets subtils. C'est-à-dire, ce sont les choses qui peuvent échapper au commun des musulmans et qui nécessitent une certaine capacité scientifique pour être acquis. Donc la règle ici, c'est que lorsqu'une personne remplit les critères du fondement de l'islam que nous avons défini tout à l'heure, il est musulman s'il ignore ou même s'il a mal compris les branches de l'islam évidentes et élémentaires à condition qu'il cherche à apprendre. Et la preuve de cette règle est la parole d'Allah dans surat al-Baqarah, dans surat 2, verset 256, « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. D'accord. Donc Allah Azzawajal a dit, quiconque mécroit au Tahout, tandis qu'il croit qu'il a foi en Allah, il a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, c'est-à-dire l'islam. Ce verset est une preuve que quiconque désavoue le Tahout et qu'il a foi en Allah, il est musulman, même s'il ignore certaines lois et certains rituels. Ainsi que la parole d'Allah dans Surat 39, verset 12, وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. C'est-à-dire, et ceux qui s'écartent de l'adoration du dit Tahout, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ce verset est donc une preuve que celui qui s'écarte de l'adoration des Tahout et qu'ils reviennent à Allah, donc qui adore Allah uniquement, Allah leur annonce la bonne nouvelle, même s'ils ignorent certains rituels qu'Allah Azzawajal certaines lois qu'Allah Azzawajal a légiférées. Donc ces versets prouvent bien que la bonne nouvelle est annoncée à tout homme qui désavoue le Tahout et en abandonne le culte et qui a foi en Allah. Dès qu'il réalise ces deux choses, il a saisi l'anse la plus solide qui est l'islam. Même s'il ignore certains enseignements du prophète, même les plus élémentaires, comme c'est le cas de celui qui vient de se convertir à l'islam ou qui vit loin des musulmans. Exemple, si un homme se convertit à l'islam, en avouant toute autre religion que l'islam, et en abandonnant l'adoration de tout autre qu'Allah, et qui reconnaît que Mohammed est le prophète, et accepte son message, et d'adhérer à tout ce qui lui sera confirmé comme venant du prophète Mohammed, donc il accepte d'adhérer à tout ce qui lui sera confirmé comme venant du prophète, mais qu'il ne sait pas encore, par exemple, il n'a pas encore eu le temps d'apprendre que l'alcool est interdit, car par exemple les preuves de son interdiction ne lui sont pas encore parvenues, ou bien il n'est pas encore au courant que la prière est obligatoire, ou bien qu'il ne sait pas que c'est 5 prières par jour qui sont obligatoires car la preuve de cela ne lui est pas parvenue, et bien celui-là est musulman pour son tawhid et pour sa foi en la prophétie de Mohammed, et il est excusé pour son ignorance jusqu'à ce que la preuve lui parvienne ou lui soit accessible. Donc c'est pas pour toujours qu'il est excusé, c'est jusqu'à ce que la preuve lui parvienne et lui soit accessible. Ibn Hazm, l'imam Ibn Hazm al-Andalusi dit dans Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, volume 1, page 433, وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. وقد كان جعفر ابن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة ورسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطرق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إلا بالمحرم وتركوا المفروض. Fin de citation. Donc Ibn Hazm a dit, et écoutez bien, c'est important, donc Ibn Hazm a dit donc dans Al-Fisal, dans son ouvrage Al-Fisal, volume 1, page 433, il dit aussi, celui à qui les obligations de la religion ne sont pas parvenues, il est excusé et irréprochable. D'ailleurs, Ja'far ibn Abi Talib et ses compagnons, qu'Allah les agréait, étaient en Abyssinie alors que le prophète, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était à Médine et le Coran se révélait et les rituels se légiféraient. Et rien de tout cela ne parvient à Ja'far et ses compagnons à cause de la rupture totale entre Médine et l'Abyssinie. Et ils demeurèrent dans cette situation pendant 6 ans, sans que cela ne fasse le moindre mal à leur religion, alors qu'ils commettaient des choses qui étaient interdites, qui étaient en train d'être interdites à Médine, et qu'ils délaissèrent des choses qui ont été ordonnées pendant ce temps-là à Médine. Et il dit à la page 434, وكل ما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج أن في حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام يلزم من في أقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا إلى النار ويبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وليس في وسع أحد علم الغيب. Fin de citation. Donc Ibn Hazm nous dit ici, et tout ce que nous met invalide l'avis de certains khawarij, comme quoi dès que le prophète fut envoyé, il fut alors imposable à toute personne au fin fond de tous les continents d'avoir foi en lui et de connaître toutes ses lois. Donc ici les Khawarij, ils ont raison sur un point, ils ont tort sur un point. Il est vrai que une fois que le prophète est devenu prophète, toute personne est obligée sur toute la terre d'avoir foi en sa prophétie, ça c'est vrai. Mais par contre, le fait de connaître toutes ses lois, ça c'est pas vrai. Il n'est pas obligatoire de connaître toutes les lois du prophète pour être musulman. Donc après Ibn Hazm continue, donc il dit au sujet donc ce que disent les Khawarij, et que s'il mourait sans connaître cela, il meurt mécréant et finit en enfer. Et cet avis est invalidé par le verset « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » c'est-à-dire « Allah n'impose à aucune âme au-delà de sa capacité. » Et il n'est donc de la capacité de personne de connaître l'inconnu. Fin de citation. Et Ibn Taymiyyah, a dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 501, La yukaffir al-ulama man istahala shay'an min al-muharramat li qurbi ahdihi bil-islam ou li nash'atihi bi-badiyatin ba'ida fa inna hukm al-kufr la yakun illa ba'da bulugh al-risala. C'est-à-dire, les savants ne bannissent pas de l'islam celui qui commet une interdiction à cause qu'il vient de se convertir ou qu'il vit. En effet, le statut de mécréant n'est donné qu'après la transmission du message. Alors, on fait une remarque importante ici. Celui qui ne s'intéresse pas à savoir ce que son Seigneur attend de lui et ce que le messager a ordonné et interdit, alors celui-là, il n'est pas excusé d'ignorer ces choses-là. Car il fait exprès de ne pas les apprendre, il fait exprès de ne pas les savoir. C'est parce qu'il il a du dédain pour la religion, il s'en fiche de la religion. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Et donc les mécréants se dédaignent de ce qu'on les a avertis. Et ce que nous venons de dire là, donc le fait de ne pas s'intéresser à l'islam, ceci concerne les lois claires et élémentaires. D'accord ? Ceci c'est uniquement pour les choses élémentaires et claires. D'accord ? Et une autre règle que nous mentionnons, l'excuse par ignorance et l'erreur n'est valable qu'en ce qui concerne les branches de l'islam et les sujets subtils, et non pas le tawhid. C'est-à-dire le tawhid, le fondement de l'islam que nous avons mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la chose sans laquelle l'homme ne peut être musulman à la base. Donc, les cheikhs Abdallah et Ibrahim, fils d'Abdel Latif, fils de Abdelrahman, fils de Hassan Ali Sheikh, ainsi que Suleyman ibn Sahman, ont dit dans Durar al-Saniya, volume. Subhanallah, je n'ai pas le volume, j'essaierai de retrouver, j'ai oublié de noter le volume, page 432-433. على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقد النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه. Fin de citation. Donc en français, ils ont dit, donc la question de bannir un individu de l'islam est un thème bien connu. Lorsque quelqu'un dit ou prononce une parole, la prononciation est une mécréance. On dit que quiconque tient ses propos est un mécréant, mais l'individu donné qui prononce cela ne sera banni de l'islam qu'après que la preuve dont l'abandon est une mécréance lui soit présentée. Et ceci concerne les questions subtiles dont les preuves peuvent échapper à certaines personnes, comme par exemple les questions relatives au destin et au irja, donc les murji'a, et d'autres professions hérétiques. En effet, certains de leurs propos contiennent des éléments kufr, donc impie, qui réfute les enseignements du Coran et de la Sunna avérés. Or, les propos consistant en une réfutation des textes sont une mécréance. Mais on ne donnera pas le statut de mécréant à celui qui les tient lorsqu'il existe une probabilité que l'ignorance puisse empêcher de lui donner ce statut et qu'il n'a pas connaissance qu'il est en train de contredire des textes. Qui est en train de dire des choses qui vont à l'encontre de certains textes et de certaines preuves. Car les lois ne sont imposables qu'après avoir été transmises, comme le mentionna Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah bénisse son âme, dans beaucoup de ses livres. Fin de citation. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 4, page 54, وهذا إذا كان في المقالات الخفية قد يقال إنه فيه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معادته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. فان سيتاسون. Donc Ibn Taymiyyah donc dit ici, et ceci concerne lorsqu'il s'agit de propos subtils, on peut dire alors qu'un tel s'est trompé, qu'il s'est égaré, que la preuve, dont l'abandon est une mécréance, ne lui est pas encore parvenue. Mais il arrive à certains groupes d'entre eux, donc il parle ici des philosophes, de tomber dans des choses évidentes que tout musulman, que ce soit de la populace et tout individu, savent que cela fait partie de la religion des musulmans, et que même les juifs et les chrétiens savent que Mohammed fut envoyé pour l'enseigner aux gens et juger un mécréant celui qui s'y oppose, comme par exemple le commandement de n'adorer qu'Allah seul sans associer, l'interdiction d'adorer un autre que lui, que ce soit les anges, les prophètes, le soleil, la lune et les astres et les idoles. Ce sont les plus élémentaires rituels de l'islam, ainsi que l'obligation des cinq prières, la vénération de ce rite et l'opposition aux juifs, aux chrétiens, aux idolâtres, aux sabéens, aux masdéens, et l'interdiction des turpitudes, de l'usure, de l'alcool et des jeux de hasard. Fin de citation. Donc les points à retenir, c'est que les branches de l'islam sont les éléments qui ne sont pas rattachés directement à l'unicité d'Allah, mais ce sont donc plutôt les lois et les rituels qui diffèrent selon les différents prophètes. Deuxièmement, en principe, l'excuse pour l'ignorance ou l'erreur est accordée aux musulmans dans les branches de l'islam élémentaires lorsque celui-ci est incapable de les avoir connues, jusqu'à ce que la preuve lui soit présentée. Mais une fois que la preuve est présentée aux musulmans, il n'est plus excusé pour son ignorance ou sa mauvaise compréhension. S'il continue à les contredire, après avoir eu la preuve, il devient un apostat. Et celui qui contredit un sujet subtil, donc quelque chose qu'on ne peut connaître qu'après avoir eu un certain bagage de connaissances, celui-là ne sort pas de l'islam tant que la preuve ne lui a pas été présentée et qu'il en ait compris le sens, et qu'ensuite il refuse ou s'entête. Voilà, donc Inch'Allah, je vais arrêter le cours ici. Inch'Allah, une question ou autre, si je suis capable, Inch'Allah, de répondre. Est-ce que le cours était clair? Est-ce que j'ai bien articulé? Est-ce que j'ai pas parlé trop vite? Est-ce que vous êtes arrivé à suivre? Oui, ça se dit. Jolaybib, je sais pas si on dit comme ça, Jolaybib, il demande donc à Abul Hassan, celui qui ne traite pas le Tarout de mécréant alors qu'il connaît bien ses agissements et sa mécréance, est-il musulman? Donc la réponse, si donc une personne sait qu'un Tarout, donc il connaît bien ce que fait ce Tarout, qu'il voit, donc il sait que ce Tarout fait des choses qui en réalité sont des choses que seul Allah Azza wa Jalla peut faire, qui sont des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Allah, s'il sait qu'un tarout, par exemple, légifère en dehors d'Allah, ou qu'un tarout prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah, ou qu'un tarout prétend avoir le droit de se faire adorer en dehors d'Allah, etc., et que malgré ça, il considère qu'il est musulman, celui-là n'est pas musulman. Celui qui pense qu'on peut rester musulman, même si on prétend être Allah, ou si on prétend avoir un pouvoir que Allah possède, celui-là ne sait pas c'est quoi l'islam. Par contre, si jamais les actes de ce tarout ne sont pas clairement, si une personne n'a pas clairement vu ce qu'a fait ce tarout, ou que ça lui a été mal rapporté, ou qu'il n'arrive pas bien à distinguer ce qui se passe, et qu'il croit avoir vu quelque chose qui est autre chose que ce qui se passe réellement, etc., si la situation n'est pas claire, dans ce cas-là, il est possible qu'une personne soit excusée dans ce cas-là. Mais lorsqu'une personne en arrive à s'attribuer la seigneurie d'Allah ou sa divinité, le fait de pouvoir considérer une telle personne musulmane malgré cela, c'est une chose que, wallahi, c'est inconcevable. Donc, si une personne prétendait ouvertement et disait ouvertement je suis Allah, il est impossible qu'un musulman considère musulman une personne qui dit une chose pareille. Il est impossible qu'un musulman considère musulman celui qui dit je suis Allah. Et il en est de même pour celui qui dit je ne suis pas Allah mais je suis capable de créer des choses, je suis capable de créer la terre, je suis capable de créer, de détruire tout l'univers si je le veux. Il est impossible de croire qu'une telle personne est musulmane. Un musulman ne peut croire qu'une personne qui est musulman. Ou alors celui qui prétend que, donc qui prétend être musulman, mais qui prétend que Jésus est Allah, qui prétend que Mohammed est Allah par exemple, ou que Mohammed est capable de donner la vie et la mort, etc. Il est impossible de considérer musulman celui qui pense des choses comme ça. Celui qui pense que Jésus est Allah, etc. C'est impossible d'être musulman et de juger musulman une personne pareille. Par contre, si jamais une personne tombe dans des choses pas claires ou qu'une personne n'a pas bien remarqué ce qu'elle a fait, ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'a fait réellement cette personne ou autre, lorsque ce ne sont pas des choses aussi flagrantes que ça, ou que les choses sont mal, qu'il a mal été informé sur la réalité des choses et tout ça, il peut être excusé. Voilà. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres... Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Peut-on dire des chiites qu'ils sont des koufars asli comme les juifs et les chrétiens, vu qu'ils renient la sunna et prétendent que le Coran a été falsifié selon leur doctrine? Donc les koufars asli, ce sont donc les mécréants qui ne s'affilient pas à l'islam à la base, qui ne sont pas musulmans à la base, qui ne sont pas des apostats. Donc ce sont des gens qui n'ont jamais eu un islam valable. D'accord. Pour cette réponse, franchement, je sais que des ulama considèrent que les rawafid, donc ceux qui adorent les morts, etc., et qui disent que le Coran que nous avons, c'est un Coran truqué, falsifié, etc. Bon, une chose est sûre et certaine, je sais que certains ulama considèrent que ce sont des mécréants de base. Je ne sais pas s'il existe d'autres avis à ce sujet. Je n'en ai pas connaissance. Ce qui est sûr et certain, et c'est ce qui est obligatoire aux musulmans de savoir, c'est qu'ils ne sont pas musulmans. Après, le détail de savoir est-ce que ce sont des apostats ou est-ce que ce sont des mécréances de base, c'est une chose à laquelle je ne sais pas vraiment répondre avec précision pour l'instant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque un peuple, sur génération après génération, sont élevés donc dans un principe qui est du shirk en soi, donc qu'après plusieurs générations, eh bien, de père en fils, on s'est enseigné un enseignement qui est du shirk. Eh bien, à la fin, ces générations deviennent de toute façon des kuffar asliyoun. D'accord. Par exemple, je prends pour exemple, les premiers à avoir commencé à adorer les tombes, ce sont des apostats. Et puis, lorsqu'ils ont enseigné ça à leurs enfants, qui ont continué à le faire, et puis que eux, leurs descendants, ils ont enseigné ça, ils ont continué à le faire, etc. Ceci, eh bien, ce ne sont plus des apostats, cela deviennent des kuffar asliyoun, parce qu'ils n'ont jamais eu un islam valide. D'accord, celui qui a toujours, depuis qu'il est né, il a toujours et depuis qu'il a toujours été élevé sur ce shirk, et il n'a jamais eu un islam authentique, il n'a jamais adoré Allah uniquement, il n'a jamais désavoué le tarout depuis qu'il est né jusqu'à celui-là, il n'a jamais eu un islam authentique. Et l'apostat, comme nous allons le voir, c'est celui qui revient à la mécréance après avoir eu un islam authentique, après avoir eu un islam valable. Voilà, wallahu a'lam. J'essaierai de me renseigner sur ça pour avoir plus de détails. Est-ce qu'il y a divergence sur la question de est-ce que les rawafid sont des kuffar asliyoun ou pas? Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus quelque chose de très très très important à savoir, d'accord? Mais c'est toujours bien, Inch'Allah, j'essaierai de me renseigner sur ça. Je rends le micro à Salah, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.